Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Et nous continuons notre visite du Musée de la Civilisation avec une autre exposition, Curiosité du monde naturel. Et c'est Anouk Gingras, chargée de projet au Musée de la Civilisation, qui nous présente cette exposition. Alors, rebonjour Anouk. Bonjour. Et on est content de te revoir à Futur Simple, que tu as déjà animé il y a une vingtaine d'années. Oui. Effectivement. C'est hein? loin, mais oui. Alors, avec Annick, on a parlé de venins, qui sont une curiosité du monde animal, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. On parle de quoi dans cette exposition? De carapaces de tatou, de cornes de rhinocéros? Non, il n'y a pas de tatou, pas de rhinocéros, mais en fait, c'est une exposition qui a été développée en collaboration avec le Musée d'histoire naturelle de Londres, oui. Qui a des collections extraordinaires, exceptionnelles, et donc on a environ 200 objets de leur collection qui sortent pour les premières fois, en fait, en exposition comme ça, en tournée à travers le monde. Donc, 200 objets de leur collection qui en comprend 80 millions de spécimens tout de même, là. Mais donc c'est ça, ils sortent pour une des premières fois. Le Musée d'histoire naturelle voulait présenter leur trésor, en fait, parmi leur collection. Fait qu'on en présente quelques-uns. OK, oui, parce qu'effectivement, c'est assez varié comme sujet. Alors, comment trouver un fil conducteur pour lier toutes ces curiosités dans le parcours d'une exposition? C'est pas évident, effectivement. Oui, c'était un beau défi. En fait, le Musée d'histoire naturelle de Londres avait leur fil conducteur principal, c'était de présenter leur trésor à travers l'histoire aussi de leur musée. Uh-huh. Mais nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de la modifier, l'adapter un petit peu à la manière Musée de la Civilisation. Uh-huh. On avait envie de faire quelque chose de différent. C'est ça, c'était une de mes questions. Effectivement, est-ce qu'il y a eu quelque chose de rajouté, effectivement, oui. par le musée? Oui. Effectivement, on a ajouté, d'abord, au niveau de la thématique et de l'organisation des contenus. Donc, eux, ils présentaient l'exposition, ils commençaient par exemple, par l'histoire du Musée d'histoire naturelle de Londres. Et ensuite, ils allaient un peu par discipline, en quelque sorte, un peu comme les musées scientifiques plus traditionnels ont peut-être plus tendance à le faire, là, comme le Musée d'histoire naturelle. Nous, on a choisi d'y aller un petit peu plus par thématique. On a choisi de mettre en valeur aussi davantage les humains reliés au développement des sciences naturelles, parce qu'on est on n'est pas un musée de sciences, hein, le Musée de la Civilisation est un musée de société. Donc, on trouvait ça important de ramener ça à l'aventure humaine, finalement, reliée à ces objets-là. Et donc, on a choisi aussi de commencer l'exposition par quelque chose que nos visiteurs allaient connaître plus facilement en lien avec les sciences naturelles. Donc, peut-être pas le Musée d'histoire naturelle de Londres. On le garde pour le centre, en fait, de l'expo de notre côté. Mais on commence par parler de l'évolution de Charles Darwin. Uh-huh. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les collections du Musée d'histoire naturelle de Londres détiennent la majorité des spécimens découverts par Charles Darwin de son expédition du Beagle. Okay. Donc, c'est extraordinaire quand on y pense. Là. Donc, on s'est dit, on va commencer par ça tout de suite. Les gens vont se sentir un peu plus en terrain connu, disons. Et par la suite, on parle des différents autres personnages du milieu des sciences naturelles, des explorateurs, des collectionneurs, des scientifiques, bien sûr, toutes sortes de gens, finalement, qui ont fait avancer les sciences naturelles. Et on m'a dit que pour accompagner cette exposition, le musée a lancé un concours. En fait, de quoi s'agit-il? Il voulait penser à ce que les gens allaient trouver comme intérêt par rapport aux sciences naturelles. Là. Donc, voilà. OK. Et même question que j'ai posée tout à l'heure à Annick pour venir là. Mais en fait, quel est le point d'orgue de l'exposition qui va émerveiller ou fasciner ou surprendre les visiteurs? En fait, qu'est-ce qui est culminant finalement dans l'exposition? C'est toujours des questions difficiles à répondre. Justement, ma collègue avait de la difficulté aussi. On a envie d'y aller avec nos préférences, mais on a souvent plusieurs favoris. Là. Mais moi, un de mes objets préférés, c'est justement relié à Charles Darwin parce que c'est un personnage illustre, bien sûr. Donc, on a d'abord, c'est certain, on a le manuscrit original de l'origine des espèces, écrit de la main, une page en fait, manuscrite, écrit de la main de Charles Darwin lui-même. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir avoir ça au musée. Mais il y a un autre objet que je trouve sympathique c'est une tortue géante, mais juvénile. Donc, elle est tout petite. Elle est à côté d'une vraie tortue géante aussi, donc on peut les comparer. Elle est morte ou décédée? La tortue, la petite, en fait, est décédée, évidemment, mais c'est une tortue qui a appartenu, en fait, qui a envahi la cabine de Charles Darwin sur le Beagle. Donc, il l'a trouvée dans sa cabine, il l'a adoptée, c'est devenu un peu son animal de compagnie. Elle n'a pas vécu très longtemps, mais quand même, on peut dire que c'est l'animal de compagnie de Darwin, et je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir la présenter dans l'exposition. Oui, c'est un fait. Alors, écoutez, merci Anouk. Et l'exposition, va durer jusqu'à quand, les deux expositions? L'exposition... 2020, je m'imagine. Oui, en fait, ils n'ont pas les mêmes dates de fermeture. Curiosité du monde naturel se termine le 19 janvier 2020, alors que Venenum, la fermeture, c'est le 8 mars. 8 mars, oui, voilà, le 8 mars 2020. Mais je vous inviterais quand même à venir faire un tour avant la fin, parce que je parlais tout à l'heure de le manuscrit original de l'origine des espèces. Comme c'est un objet très, très précieux, on est obligé de le retirer bientôt, en fait. Il va être présenté seulement jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, jusqu'au 29 septembre, c'est la dernière chance, le 29 septembre, pour voir le manuscrit original de Darwin. Après ça, on va le remplacer par quelque chose tout de même d'intéressant. Là, c'est une des premières éditions de l'origine des espèces qui fait aussi partie des collections du Musée d'histoire naturelle de Londres. Mais quand même, moi, en tout cas, je trouve que ça vaut la peine de se dépêcher à venir faire un tour pour pouvoir voir ça. OK. Marc-Claude a une question. En fait, c'est plutôt un commentaire, parce que moi, j'ai déjà visité le Musée d'histoire naturelle à Londres, et votre exposition me fait voyager, me fait retourner dans le musée propre même, là. C'est incroyable. Il y a quand même des vidéos où on se retrouve à l'intérieur du musée. Oui, exactement. J'étais capable de me transposer puis de revoir le passage dans l'allée centrale. Je trouve ça extraordinaire. Puis il y a aussi une petite zone à la fin de repos. Oui. Je trouvais ça vraiment intéressant, parce que c'est rare qu'on a ça avec des genre de tente suspendue. Oui, c'est une zone, c'est la zone éducative de l'exposition. En fait, ce qu'on a voulu faire aussi dans notre adaptation, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on avait voulu la rendre à l'image du Musée de la civilisation. Ce qu'on a voulu faire, c'est aussi faire réfléchir le visiteur sur, bon, les espèces disparues qui sont dans l'exposition. On a un tigre à dents de sabre, on a un dodo, on a des espèces aussi en voie de disparition, parce qu'on a ajouté aussi des objets. C'est ce que j'ai pas dit aussi, une autre adaptation qu'on a faite, c'est qu'on a ajouté des objets locaux. Donc, on a voulu présenter les sciences naturelles d'ici, parce que oui, les Britanniques sont dominants au niveau des sciences naturelles dans leur développement dans les débuts, mais il se passait déjà des choses ici, là. Donc, on a voulu présenter quelques objets locaux. Donc, on a une cinquantaine d'objets locaux aussi. Puis la zone à la fin permet de réfléchir, bon, j'ai vu tout ça, ces animaux-là, il y a souvent des émotions qui viennent avec, hein. Il y a des gens qui voient des choses disparues qui sont pas vivantes dans l'exposition. Il y a des plus jeunes, ça leur fait de la peine de voir des animaux morts comme ça, naturalisés. Donc, on veut faire réfléchir les gens en disant, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant? Là, vous avez été touché par l'exposition, par exemple, ça vous a bouleversé, mais dans votre vie de tous les jours, comment vous pouvez vous impliquer autour de vous? Est-ce que ce qui vous intéresse, dans le fond, c'est de devenir scientifique puis de chercher à comprendre tout ça? Ça, c'est peut-être la chose la plus évidente, mais en devenant collectionneur, pour les gens que c'est plus leur style, leur intérêt, ils peuvent aussi... valoriser ces objets-là, valoriser les sciences naturelles. Donc, on parle aussi des artistes dans l'exposition. On a voulu mettre l'accent sur le travail des artistes pour vraiment faire connaître les sciences naturelles. Donc, on essaie d'aller chercher les gens dans cette zone-là de repos. Il y a des tentes, des espèces de tentes suspendues. Puis, on a de la documentation autour. On a des questions qui sont au mur qu'on peut lire. Donc, pour commencer à se sentir concerné un peu pour ce qui est de notre planète, finalement, et de la vie sur Terre. Tout à fait. Merci infiniment à Anouk et merci à Annick de votre visite. Ça m'a fait plaisir. Alors voilà pour cette visite au Musée de la civilisation en compagnie d'Anouk Gingras et d'Annick Dorion-Coupal, toutes deux chargées de projets au Musée de la civilisation.